Je verse la plus belle bouteille de Chivas au sol. Je ne cherche pas à plus avoir mal, car c'est cette douleur qui me rappelle chaque jour à quel point l'amour de la famille est inégalable. C'est une question de survie. Donne-moi la force de me relever, je t'en prie, sans prendre de gants. On t'a pris, je suis détruit. Donne-moi la force de me relever, je t'en prie, je cherche le cran. Une question de survie. Donne-moi la force, on me l'a pris quand t'es parti, sans prendre de gants. Une question de survie. Papa, aide-moi aujourd'hui, je me sens petit. Aide-moi à croire en ce Dieu qui t'a emmené sans aucune explication quand personne n'était prêt. Aide-moi à te voir dans les yeux, je ne pensais pas devoir dire ces mots si tôt te concernant, tu sais. Je n'ai jamais connu cette ampleur, je ne savais pas qu'on pouvait avoir aussi mal. Y'a douleur et douleur, à la petite cuillère je ramasse nos cœurs, en essayant tant bien que mal de te faire honneur. Oh, c'est une question de survie. Donne-moi la force de me relever, je t'en prie, sans prendre de gants. On t'a pris, je suis détruit. Donne-moi la force de me relever, je t'en prie, je cherche le cran. Une question de survie. Donne-moi la force, on me l'a pris quand t'es parti, sans prendre de gants. Une question de survie. Papa, aide-moi aujourd'hui, je me sens petit. Je revois les images de ma fille défiler, nos souvenirs se dessinent. Et cette sensation de régresser en cherchant l'enfant que j'étais, en refusant cette vie d'adulte et toutes ces réalités. Rendez-moi mon père, laissez-moi croire ensuite en l'éternité. Je n'ai plus de repères, je suis perdu, je n'ai plus mon pilier. Pour pas m'effondrer à la prière, je me suis réconcilié. Est-ce que ça marche? Je n'en sais rien, mais je préfère souffrir le martyr. Au moins, je n'oublie rien. C'est une question de survie. Donne-moi la force de me relever, je t'en prie, sans prendre de gants. On t'a pris, je suis détruit. Donne-moi la force de me relever, je t'en prie, je cherche le cran. Une question de survie. Donne-moi la force, on me l'a pris quand t'es parti, sans prendre de gants. Une question de survie. Papa, aide-moi aujourd'hui, je me sens petit. Hey. Je vais faire ce que t'attends de ton fils aîné, porter à bout de bras mes frères et sœurs, ne jamais abandonner. Ensemble on va finir tout ce que t'as commencé pour nous, pays, que ce lien ne soit jamais coupé. Je tournerai jamais cette page, je la raconterai avec mes larmes, j'ai lavé ton visage qui dormait en paix. Cet amour a pris le ciel et l'a renversé pour chacun de ta famille. Cette lune tu l'as décrochée. T'as mis toute ta santé pour ça. Notre héritage a une valeur que l'on ne compte pas. Cette case t'a vu naître et te voit partir comme ça. Je refuse que ton histoire s'arrête là. Empêche-moi de partir en vrille, de tout laisser tomber ici, parce que je sais combien t'aimais la vie. J'ai toujours pas compris. C'est une question de survie. Donne-moi la force de me relever, je t'en prie, sans prendre de gants. On t'a pris, je suis détruit. Donne-moi la force de me relever, je t'en prie, je cherche le cran. Une question de survie. Donne-moi la force, on me l'a pris quand t'es parti, sans prendre de gants. Une question de survie. Papa, aide-moi aujourd'hui, je me sens petit. Aujourd'hui, papa, t'es fier pour la musique que tu as fait. Tu défends pas trop mal la famille, toute la réunion, bonne créole. Avec ça, que ça m'y peut déjà te plus. Mais déjà te perdre.